إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون كثيرا ما تحدثنا عن الموت وأهمية التذكر بالآخرة Ô musulmans, nous avons beaucoup abordé le sujet de la mort et l'importance de se rappeler de l'au-delà. Avançons un peu les frères, il y a des frères qui avancent encore, qui arrivent encore. Jazakumullah khair. Essayez-vous, Jazakumullah khair. Et l'importance de se rappeler de l'au-delà. Lakin al-insan ad-da'if. قد لا يترك المعاصي بمجرد سماع هذه الكلمات. Cependant, l'être humain est faible. Il se peut qu'il n'arrive pas à délaisser les péchés juste en entendant ce genre de rappel. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نافعة. Pour cela, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré une méthode très profitable. Il a donc dit « Kuntu anhaakum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirul maut. » Je vous interdisais auparavant de visiter les cimetières. Certes, visitez-les, car ceci rappelle la mort. « Fal insan hinama yara ghayrahu wa ma usiba bihi يَذْكُرُوا ضَعْفَهُ. L'être humain, lorsqu'il voit les autres qui sont touchés par une maladie, par la mort ou autre mal, il se rappelle de sa faiblesse. Il se rappelle يَذْكُرُوا أَنَّهُ لَاحِقٌ بِهِ لَا مَحَالَ. Il se rappelle qu'il va forcément rejoindre un jour cette personne qui est dans cette tombe et que cela est inévitable. فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ضعيفا. الله تبارك وتعالى a créé l'être humain faible. Il sort du ventre de sa mère, ne sait rien faire à part se nourrir. Il est faible. ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالقوة. Ensuite, après cela, Allah lui a accordé de la force. فنسي الإنسان ضعفه. Alors l'être humain a oublié cette période de faiblesse. Il a oublié qu'il est faible. Et il a oublié qu'après la force, revient la faiblesse. Et c'est pour cela qu'il lui est difficile de délaisser le péché. Car il ne pense pas qu'un jour, il sera inerte, n'arrive pas à bouger, ne peut plus parler, mort. mais il voit sa force, ses muscles. Il a donc du mal à délaisser ses péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, nous montre des signes, nous permettant, nous aidant à délaisser nos péchés. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, et walam yasiru fil ard, fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim. Ne voyage-t-il pas sur la terre afin qu'il voie comment était la fin de ceux qui étaient avant eux. Kanuhum ashadda minhum quwwatan wa atharan. Ils avaient plus de force qu'eux et ont laissé beaucoup plus de vestiges fil ard sur la terre. Ils ont laissé beaucoup plus de vestiges sur la terre, ils étaient forts. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Alors Allah les a pris par leurs péchés. Il les a châtiés, Allah tabaraka wa ta'ala, par leurs péchés. Il les a fait mourir. Il les a fait mourir par la cause de leurs péchés. فتأملوا وتأمل يا عبد الله. Alors médite, ô serviteur d'Allah. Ni'mat Allah yalik, le bienfait qu'Allah t'a accordé. Lam yuhlikka bidhunubik. Il ne t'a pas fait mourir par la cause de tes péchés. Wa innama makkanaka birruju'i wa tawbati. Cependant, il t'a permis de rester vivant. Il t'a permis de te repentir et de revenir vers lui. وَإِنَّهَا لَفُرْسَةٌ عَظِيمَةٌ. Alors ceci est certes une très forte occasion. فَانْتَهِزْهَا. Alors saisis-la. Ne la laisse pas passer, ô serviteur d'Allah. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله العالم كله في هذه الأيام مركز أو مركز على مرض أهلك العديد من الناس. Le monde entier aujourd'hui est concentré sur une maladie qui a fait beaucoup de morts. وَقَدْ بَلَغَكُمْ خَبَرُ هَذَا الْمَرَضِ. Et certes, vous êtes au courant concernant cette maladie, le virus, corona. وَفِي الْحَقِيقَةِ الأمراض التي تهلك بني آدم كثيرة. Et en réalité, les maladies qui vont tuer les êtres humains sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. فما هي سبب وجودها؟ Quelles sont les causes de la présence de ces maladies؟ وماذا علينا؟ Et que devons-nous faire, nous, quand nous voyons ces maladies qui se propagent? Et que des gens meurent en grand nombre. Que devons-nous faire? Mad alayna ya ibadallah. Ta'ammalou, méditez. Ta'ammalou fi rahmatillahi alaykum. Annahu lam yuhlikkum bidhunubikum. Méditez sur la miséricorde d'Allah sur vous, qu'il ne vous a pas fait mourir par la cause de vos péchés. Par la cause de vos péchés. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. Et nous les avons séparés sur terre en plusieurs communautés. Il y a parmi eux les pieux et parmi eux ceux qui ne sont pas comme cela. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et nous les avons éprouvés par les hasanats. Les hasanats, la vie paisible. La vie paisible. Allah a éprouvé ses serviteurs par la vie paisible, les biens de ce bas monde. Wasayyi'at, les difficultés, les maladies et autres. Pourquoi tout cela? La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent. فأنت يا عبد الله حينما ترى غيرك قد أصيب بهذه الأمراض تتأكد بأنك مخلوق ضعيف مسكين لا بد من التوبة والرجوع إلى الله. Lorsque tu vois les autres individus sur la terre touchés par cette maladie, tu te rappelles que tu es un individu faible, pauvre, et qu'il est impératif que tu reviennes vers ton Seigneur. Car un jour, tu vas forcément te faire enterrer, comme tout le monde. Rappelle-toi de cela. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit « Zahara al-fasadu fil barri wal-bahr, bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, la'allahum yarji'un. » Le mal a apparu dans l'eau et sur la terre. Le mal, les maladies, le désordre, les troubles, tout cela a apparu dans l'eau et sur la terre. À cause de quoi? La pollution. À cause de quoi? Bima kasabat aydin nas. À cause de ce que les gens ont fait de leurs propres mains. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Afin de leur faire goûter ce qu'ils ont fait eux-mêmes. La'allahum yarji'un. Afin qu'ils reviennent. Afin qu'ils reviennent. Et donc nous nous rappelons aux serviteurs d'Allah de notre faiblesse. Que nous sommes tous mortels. Wa la tartar bi sihhatik wa quwwatik. Ne sois pas trompé par ta force et par ta bonne santé. Ne te dis pas, Inch'Allah, c'est natou. Inch'Allah, je vais me repentir un jour. Inch'Allah, là, j'ai 24 ans encore. Il y a le temps. Inch'Allah, Inch'Allah. Non. Ne te trompe pas par cette bonne santé. Tu ne sais pas à n'importe quel moment la mort peut venir. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima fihi ridha wa an yatuba alayna innahu huwa at-tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.